Joséphine Beninger à Hélène Bayard à Paris. Ma chère Hélène, j'ai baissé les stores. Je m'installe dans des habillés pour te raconter une grande nouvelle en toute tranquillité. As-tu reçu ma lettre ? Bien. Alors tu dois savoir tout ce qui m'est passé par la tête ces derniers temps et comment, tout à coup, je n'ai plus trouvé aucun plaisir à faire la grande fête. Mais aucun, tu entends ? Et je me suis dit, mon prochain ami, il faut qu'il soit beau. Mais pour l'amour de Dieu, pas comme il faut. Je voudrais tant, encore une fois, avoir une petite aventure amoureuse dans le genre de celle d'autrefois. Figure-toi que l'idée me vint alors de ressusciter pour une fois l'ancienne pépie. Je vais donc chercher dans mon armoire une robe d'indienne que j'avais portée il y a quelques années dans un rôle de soubrette. Je mets un chapeau de paille très simple, bref, je m'habille en petite ouvrière des faubourgs. Lina ne cessait de s'écrier « Que mademoiselle est jolie, mais jolie !» Et moi-même, en me regardant dans la glace, j'étais assez satisfaite. D'ailleurs, je vais me faire photographier dans ce costume et je t'en enverrai une épreuve, car comme tu vas le voir, je la remettrai encore plus d'une fois, cette robe. Hier dimanche, je l'ai mise pour la première fois. Mon projet était bien arrêté. Ce jour-là même, il fallait faire une conquête, mais pour le plaisir. Je prends la grande rue de Währing, simple hasard. J'aurais aussi bien pu passer par la rue d'Alza. Et de dessous mon ombrelle, je dévisage les passants. Je te l'avoue, tout d'abord, l'envie a failli me passer de toute cette histoire. Enfin, j'arrive à la barrière, j'étais déjà de très mauvaise humeur. Là, un jeune homme était adossé contre un bec de gaz. Il me regarde avec un mélange de naïveté et d'admiration. Ma première impression fut qu'il attendait quelqu'un. La seconde, c'est qu'il était beau garçon. Un artiste, certainement. Un costume de velours marron, une cravate flottante, pas élégant du tout, mais un joli teint bien soigné, une petite moustache et une jolie tournure. Voilà ce qu'il me faudrait. Eh bien, me dis-je, essayons, il en vaut la peine. Je fais donc semblant d'attendre aussi quelqu'un. Je vais, je viens, et finalement je m'en vais. Il me suit et m'aborde. Je dois dire que cela me fut très agréable. Je ne fis que très peu de manières, puis je le laissai marcher à côté de moi. Et le tour fut joué. Naturellement, mes suppositions étaient exactes, et il fut prodigieusement étonné lorsque tout de suite je lui dis qu'il était poète. Il a une façon si charmante de parler, si douce, si caressante, et avec cela, toujours d'un ton si respectueux. Il a certainement eu une vie très agitée, et dans ces derniers temps, une femme a dû joliment se moquer de lui, sinon je ne connais plus les hommes. Avec celui-là, je n'ai à craindre ni la fortune, ni les soupers chez Sarah, ni les cadeaux de prix. Tout ce que je lui ai raconté l'a énormément touché. Non, mais j'aurais voulu que tu entendisses tout cela. Une histoire de brigand, un amant que je n'aime plus, une vieille tante avec laquelle je me suis querellé, et une petite chambre. J'étais soi-disant une personne pauvre, mais sérieuse, et tout ce qu'on peut raconter dans ce genre. Pense donc, nous sommes allés à pied jusqu'au village de Pötzlein. Dans la forêt, nous sommes restés assis pendant des heures et je ne me suis pas ennuyé une minute. Pendant qu'assis sur le banc, il avait son bras passé autour de ma taille et m'embrassait, j'éprouvais une sensation très agréable, comme je n'en ai pas éprouvé depuis bien longtemps. Je ne sais pas de quoi j'aurais été capable s'il n'avait pas fait grand jour et s'il n'était passé des gens à tout moment. J'ai eu, à vrai dire, une espèce d'attendrissement. Je pensais à toutes les épreuves qui accablent un pauvre homme de l'être comme lui, qui doit porter à sa mère la moitié de ce qu'il gagne, et qui naturellement est poursuivi par la jalousie de ses confrères. Le soir, nous sommes allés dans un petit restaurant, et là, il a été d'un tendre, et ses yeux, rien que son regard me faisait plus jeune de je ne sais combien d'années, et avec ça, une réserve. J'ai été ravi de voir qu'il était resté si réservé et si calme toute la soirée. Ce fut vraiment très bien de sa part. Je crois qu'il n'aurait pas agi autrement avec sa propre fiancée. Et ce retour en voiture, comme c'était exquis. Tu me croiras si tu veux, mais j'aurais été navré si à ce moment-là il était devenu plus pressant. Mais non, pas le moindre mot. Il m'a demandé simplement un rendez-vous pour le lendemain et c'est tout. À la barrière, je suis descendu de voiture, car pour lui je demeure dans une des petites rues du quartier, au quatrième étage. J'ai dû courir au moins pendant un quart d'heure avant de trouver une voiture. Je suis arrivée chez moi toute contente. Dans mon appartement, tout me parut changé. Et puis, ô bonheur extraordinaire, dire qu'il n'est pas seulement un pauvre diable, mais encore un poète, un artiste. Vois-tu, nous allons jouer une comédie dont je tirerai certainement quelque chose. Il faut que je m'arrête, car dans une heure je rentre en scène. Je t'embrasse, ta fidèle Joséphine.